La bienfaitrice par Elisabeth von Arnim. Chapitre 1er. Anna Estcourt venait d'atteindre 25 ans et ses réflexions prenaient un tour pessimiste. Elle commençait à se demander si les agréments contestables de l'existence en peuvent compenser les ennuis trop certains lorsqu'un événement surprenant se produisit. Miss Estcourt possédait, cependant, entre beaucoup d'avantages, celui qui, par-dessus tous les autres, porte les jeunes filles à voir la vie en rose. Elle était extrêmement jolie, forme souple, élégante, élancée, délicieux visage, aux yeux ensorcelants, aux irrésistibles fossettes, mains et pieds impeccables, superbe chevelure dorée, et de la grâce répandue partout. En bonne justice, elle aurait dû remercier le sort, au lieu de fatiguer sa petite tête à creuser ses problèmes ardus concernant l'existence que les jolies personnes abandonnent d'habitude à leurs sœurs plus mûres ou moins bien partagées. Mais quiconque a une épine au pied s'attarde rarement à regarder avec complaisance les côtés plus heureux de sa situation. L'épine au pied était pour Anna le voisinage forcené de sa belle-sœur, Suzy. Cette belle-sœur était riche, chose agréable en soi, mais elle se piquait de parler franc, et sa franchise l'induisait en des allusions perpétuelles à la pauvreté des Estcourt, à l'immense avantage que leur avait apporté son alliance. Or, ce sujet de discours devenait à la longue extrêmement fatigant, au moins dans l'opinion d'Anna. Le mari de Suzy, lui, avait une grâce d'état qui était de ne pas accorder la moindre attention aux paroles de sa femme. Descendant des Estcourt de Devonshire, une illustre maison ruinée et réduite pour redorer son blason à épouser l'argent de Miss Dobbs, Sir Peter se considérait comme parfaitement quitte en ayant conféré son nom à une personne qui n'en avait pas. C'était d'ailleurs un philosophe, et cette race est, comme on sait, portée à regarder de haut les petits tracas de la vie. Non seulement Anna n'était point philosophe, mais la nature lui avait fait présent d'un épiderme assez sensible, en même temps que d'un goût décidé pour l'indépendance. Et la seule chance de devenir indépendante qui fût à sa portée, à savoir un bon mariage, elle l'avait follement, volontairement gâché, ainsi que Suzy se faisait un devoir de le lui reprocher sans cesse. « Que n'ai-je pas fait pour arriver à vous établir convenablement ?» répétait du matin au soir la riche belle-sœur. « Quel autre, à ma place, se serait imposé les mêmes sacrifices ? Je vous ai prodigué une éducation de princesse. Je ne vous refuse aucune toilette. Je vous mène partout, bal, dîner, théâtre, concert, ville d'eau. Où est la jeune fille qui a jamais eu plus que vous chance de trouver un bon mari ? Mais non !» Mademoiselle fait la dédaigneuse, ne trouve rien d'assez beau pour elle, et me reste sur les bras. « Oh !» s'écria la coupable, quand les objurgations et récriminations de Suzy l'exaspéraient plus que de coutume. « Qui me délivrera de cette servitude ? Qu'on me laisse chercher un emploi ? Tenez, je voudrais balayer le trottoir. Cela vaudrait mieux que de vous coûter davantage, mieux 100 fois que cette course ignominieuse à la poursuite d'un mari. » Mais Suzy n'avait que dédain pour ces éloquentes apostrophes. Chercher un emploi, une Estcourt. C'est parler pour ne rien dire. Et quant au trottoir, vous n'avez même pas de quoi acheter un balai. Soyez donc pratique, prenez ce qui est à votre portée, un mariage raisonnable, et n'épouvantez pas les épouseurs par vos airs revêches et vos allures absurdes. Qu'est-ce, je vous prie, que cette coiffure en bandeau, ces méchantes petites robes qu'on vous a vu adopter ces derniers temps. Il est bien inutile, croyez-moi, de travailler à faire de soi un épouvantail. Et le mieux qu'on puisse dire de vous, depuis peu, c'est que vous avez l'air propre. C'est quelque chose. J'aime bien avoir l'air propre, disait Anna. Fatiguée de sa vie de parade, elle avait en effet adopté le genre austère dénoncé par Suzy, transformation qui lui valut dans la quinzaine une offre de mariage du clergyman voisin. Votre entêtement, votre ingratitude passe les bornes, déclarait Suzy outrée, et cela recommençait tous les jours. Sir Peter était aussi surpris que sa femme, quand il trouvait le temps d'y penser, que sa charmante sœur n'eût pas depuis longtemps conclu le mariage heureux qu'il souhaitait pour elle à sa manière indolente. Elle n'avait pas de fortune, d'accord, mais qui demande une dot en Angleterre, une fille jolie, aimable et bien née? Il était fort à désirer qu'elle se décidât enfin à choisir, car évidemment, Suzy, elle, ne ferait jamais une paire d'amis. Et arrivé à cette proposition, l'excellent baronnet, jugeant la question suffisamment creusée, passait à un autre sujet d'examen. C'était son mariage avec Suzy qui avait développé chez lui le côté philosophique. Avant cette période, il s'était toujours montré, en dépit de ses difficultés, de gentilhomme ruiné, gai, insouciant et peu adonné aux méditations abstraites. Mais il aimait chèrement le manoir ancestral qui tombait en ruine, et aussi sa jolie petite sœur, à qui il ne pourrait jamais donner l'éducation et les plaisirs sociaux qui convenaient à son rang. Il ne se trouvait pas en ce moment-là sur le marché de riches américaines. Il épousa Miss Dobbs de Birmingham et devint philosophe. Sans bien comprendre que cette philosophie était un bouclier mis entre elle et lui, sans deviner ce que l'urbanité ou les silences de son mari cachaient de dédain pour l'indéracinable vulgarité trop tard reconnue en elle, Suzy lui en voulait sourdement, trouvait que le mariage ne lui avait pas donné ce qu'elle avait le droit d'en attendre. En quoi était-elle à blâmer? Elle avait rebâti le château, remis la maison de Londres sur le pied somptueux d'autrefois, prodigué à sa jeune belle-sœur les maîtres les plus dispendieux, présenté à son mari l'héritier obligé. Que pouvait-on lui demander de plus? Et pour son bonheur à elle, personne ne se mettait en frais. Peter lisait, méditait, pêchait à la ligne, et jamais ne consentait à quitter East Court ou à s'imposer le moindre effort pour faire monter sa femme socialement. Or, c'était là le but constant, l'ambition toujours en éveil de la pauvre Suzy. Se pousser dans le monde, y faire figure, enterrer à jamais le côté Dobbs qu'elle tenait de la naissance, et faire ressortir l'élément aristocratique acquis par le mariage, voilà ce qu'elle avait espéré en devenant Lady Estcourt. Malheureusement, Sir Peter, d'une part, montrait la plus incurable apathie à la seconder, de l'autre, l'élément Dobbs demeurait prépondérant, et les Dobbs étaient une race singulièrement dénuée de séduction. Petits hommes et petites femmes maigres, secs, noirs, avides, mal appris, bornés, plus remarquables pour l'art d'entasser les écus que pour le talent de se faire des amis. Or, à Londres, plus que partout ailleurs peut-être, ce talent eût été nécessaire pour une ambitieuse. En son absence, le début de la nouvelle Lady Estcourt fut un parfait fiasco dont elle ne manqua pas d'accuser la nonchalance de Peter, alors que l'ingrate nature était seule à blâmer. Et jusqu'à la présentation de sa belle-sœur, l'inconsolable Suzy demeura ignorée de toutes les coteries dont elle eût désiré ardemment faire partie. À cette époque, la situation parut vouloir s'améliorer. Avec cette délicieuse débutante sous son aile, elle allait enfin se faire ouvrir des portes rigoureusement fermées. Et l'espoir assez légitime de voir conclure en Miss Estcourt un mariage brillant où elle, Suzy, jouerait un rôle de première importance, vint achever de la réconforter. Et voici que tous ses beaux plans s'écroulaient, un à un. Non seulement Anna, au mépris des innombrables sacrifices faits pour elle, refusait tous les prétendants, mais encore, la voici qui se déclarait l'as de bal, de gala et de visite, se coiffait en bandeau plat, et si on lui faisait quelques justes représentations, parlait d'aller balayer le trottoir. N'y avait-il pas de quoi désespérer? Allait-elle tourner à la philosophie comme Peter? Leur mère, une Allemande de noble famille, rencontrée par le feu baronnet en cour étrangère, leur aurait-elle inoculé ce virus? Suzy, pénétrée pour tout l'étranger en bloc du féroce mépris de l'ignorance, attribuait parfois à cette origine ce qui lui demeurait incompréhensible chez les Estcourt, et lui arrivait à l'occasion d'appeler son mari plaisamment Herr Schopenhauer, sur quoi les lèvres du baronnet se fermaient plus hermétiquement que jamais. Car la gaieté des Dobbs lui paraissait plus objectionnable peut-être que leur mauvaise humeur. Ainsi, Sir Peter Estcourt pêchait à la ligne, méditant sur la vanité des choses humaines. Suzy poursuivait son inutile course aux honneurs et aux succès mondains, et Anna soupirait vainement pour une vie d'utilité et d'indépendance, combien peu il faudrait souvent pour rendre heureux des gens qui vivent dans le malaise, le discord ou le tourment. Oh, que n'était-elle indépendante! Que n'avait-elle la liberté, le pouvoir de faire le bien? Avec quelle joie elle embrasserait cette carrière? Consoler ceux qui pleurent, nourrir ceux qui ont faim, mettre du soleil dans les existences sombres et des sourires là où ils ont fui. C'est au milieu de cet état de choses que se produisit l'événement dont il était question plus haut.